Les médias étrangers ont présenté du 1er au 3 janvier le message du nouvel an 106 du Tutsé 2017 prononcé par le maréchal Kim Jong-un. Les journaux, agences de presse, radios, revues, journaux et agences de presse d'Internet de Russie, de Cuba, de Chine, du Vietnam, de l'Iran, du Cambodge, du Myanmar, de l'Indonésie, de la Malaisie, du Liban, de l'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Hongrie, de Bulgarie, de Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche, du Nicaragua, du Brésil et des États-Unis, les pages d'Internet des partis politiques et des formations de divers pays et des institutions régionales, notamment le Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen et le Comité national nigérien d'études du kim-il-sungisme, kim-jong-lisme, ont traité le texte intégral ou le résumé du message de nouvel an du maréchal coréen.